Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. C'est probablement le pire aéroport au monde. Je ne dis pas pire aéroport au monde pour la propreté ou les duty-free, non. Le pire aéroport au monde pour son coût et surtout la durée de sa construction. Il s'agit de l'aéroport de Berlin, il devait voir le jour en 5 ans. Il en a mis 14, il devait coûter 2 milliards d'euros à l'Allemagne, il en a coûté 7. Cet aéroport, c'est l'aéroport Willy Brandt de Berlin-Brandebourg, un nom symbolique d'ailleurs. Si son nom avait été moins symbolique, il aurait peut-être été abandonné. À force de ratages, d'erreurs et d'opiniâtreté, cet aéroport s'est imposé probablement comme l'un des plus grands fiascos industriels de l'Allemagne contemporaine, un fiasco qui vient contredire toutes sortes de théories culturalistes sur la Deutsche Qualität. C'est le correspondant à Berlin du journal Le Monde, Thomas Wieder, qui nous raconte cette incroyable Super Fail. Ce projet était celui d'un aéroport pas comme un autre, l'aéroport d'un Berlin réunifié, un projet d'aéroport dont parlait déjà Ronald Reagan, bien avant la réunification, autrement dit en 1987. And I invite Mr. Gorbachev. Et j'invite Monsieur Gorbatchev, œuvrons à rassembler l'Est et l'Ouest de la ville pour que chaque habitant de l'ensemble de Berlin puisse profiter des avantages liés à la vie dans l'une des plus belles villes du monde. Pour ouvrir encore davantage Berlin à toute l'Europe, à l'Est et à l'Ouest, développons l'accès aérien à cette ville, en trouvant des moyens de rendre le service aérien commercial vers Berlin plus pratique, plus confortable et plus économique. Nous attendons le jour où Berlin-Ouest pourra devenir l'une des principales plateformes aériennes dans toute l'Europe centrale. Bon alors ça c'est très bien, mais dès l'origine, le choix du lieu pour construire cet aéroport pose problème, comme nous l'explique le journaliste Thomas Wieder. Super Fail. Alors Berlin, qui est redevenue la capitale de l'Allemagne dans les années 90, après la réunification, souffrait d'un manque d'infrastructures évident. Le problème, il avait été décelé dès la fin des années 1980, quand se dessinait la perspective de la réunification de la ville. Une ville immense, hein, 10 fois plus grande que Paris, mais dotée d'infrastructures aéroportuaires extrêmement limitées. 3 aéroports, l'héritage de la guerre froide, et donc la nécessité de rationaliser tout ça. Et donc l'idée, dans les années 1990, a donc germé de doter cette capitale du plus grand pays européen d'un aéroport digne de ce nom. Et il a fallu à peu près une dizaine d'années entre le moment où a été prise la décision de créer ce nouveau grand aéroport et la première pierre du chantier qui a été posée en 2006. Quand on regarde une carte de Berlin, en fait, le nouvel aéroport se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-est, près de l'aéroport de Schönefeld, qui était un des 3 aéroports de la ville. Et en fait, le nouvel aéroport utilise les pistes de Schönefeld, mais se situe à l'autre bout. Donc, en fait, c'est un agrandissement de l'aéroport de Schönefeld. Et tout de suite, là, en fait, on touche déjà à une des premières raisons qui expliquent le fiasco de cet aéroport, c'est que d'un point de vue géographique ou administratif, si vous voulez, l'aéroport se trouve dans le land du Brandebourg. Berlin, vous le savez peut-être, est une ville, mais est aussi un land à part entière avec son gouvernement. Et le Brandebourg est un autre land. Et donc, déjà, ça, dans les différents audits qui ont été faits, le fait que l'aéroport soit à cheval entre 2 länder, quand on sait en plus l'organisation administrative allemande, c'est pas comme nos régions françaises. Les Länder, c'est vraiment des entités avec des gouvernements indépendants et très puissants. Et donc déjà, le fait d'avoir 2 gouvernements qui étaient partie prenante d'un même projet, les choses commençaient déjà assez mal. Le premier avion aurait dû décoller en 2010. Finalement, il a fallu attendre 10 ans pour en arriver là. Comment expliquer un tel retard ? Alors, le retard s'explique pour différentes raisons. En fait, la principale raison, c'est un problème vraiment de gouvernance. comme je le disais tout à l'heure, deux lenders étaient partie prenante. Au conseil de surveillance, vous aviez donc des représentants de deux gouvernements régionaux, des élus locaux, des élus régionaux, des représentants des entreprises. Et lors des audits qui ont été faits, de façon très très surprenante, il a été montré et rappelé qu'il n'y avait au sein de ce conseil de surveillance personne qui n'avait l'expérience d'une infrastructure de ce type, pour ne même pas parler l'expérience de construire un aéroport. Donc déficit de compétences, d'une part, au sein du conseil de surveillance. Deuxièmement, toujours problème de gouvernance, il n'y avait pas de maître d'œuvre unique, c'est-à-dire de société, d'entreprise qui était chargée de la supervision des travaux et qui donc prenait, endossait les risques en cas d'avarie, en cas de retard, etc. D'où le fait que c'est de l'argent public qui a été injecté pour payer les retards et des centaines de millions d'euros. Et donc ça aboutit, il y a eu une étude qui a été faite et qui montre ça de façon totalement édifiante. L'absence de maître d'œuvre commun fait que ce conseil de surveillance, déjà assez baroque et hétéroclite, a été lui-même chargé de gérer lui-même 60 ou 70 petites entreprises qui ont travaillé chacune dans son coin. Ce qui fait que un grand nombre de problèmes qui ont été identifiés sur le chantier sont aussi des problèmes de connexion, en fait, entre différents corps de métier, entre, par exemple, à un moment donné, on s'est rendu compte que des escalators qui avaient été commandés étaient trop courts par rapport à la hauteur de plafond, parce que il n'y avait pas eu de coordination entre l'architecte et le fabricant des escalators. Pareil, entre la coordination entre le câblage électrique et le système de protection incendie. Donc, manque de coordination. Tout ça a évidemment provoqué des énormes problèmes au sein même du board de l'aéroport, ce qui fait que il y avait quand même un architecte qui, mais c'était pas une entreprise, c'était juste un architecte qui était chargé de surveiller les choses. Il y en a eu trois qui se sont succédés, donc à chaque fois, c'est une nouvelle équipe qui a pris le relais, modifiant, comme je le disais tout à l'heure, parfois les plans en cours de construction par rapport à l'équipe précédente. Et tout ça a créé une sorte de réaction en chaîne, si vous voulez, avec une dilution aussi de la responsabilité qui a été délétère, au fond. Alors en mars 2013, lorsqu'Hartmut Meddorn devient directeur de l'aéroport, il découvre les conséquences assez saugrenues de cette absence de coordination. Écoutez-le raconter ses découvertes dans le documentaire de Thomas Balzer, Berlin, les turbulences d'un aéroport. On a construit un étage entier. Vous pensez bien qu'avec toutes ces toilettes et ces restaurants, un aéroport de cette taille dispose d'un système d'approvisionnement en eau. Tout cela est conçu assez précisément. Il y a des conduits pour faire venir l'eau et d'autres pour l'évacuer. Et tout à coup, on ajoute un étage complet. Et on décide d'installer 60 nouvelles toilettes, ce qui augmente inévitablement les besoins en eau. Mais les conduits d'évacuation restent les mêmes et les tuyaux d'arrivée d'eau sont de plus en plus gros. On a découvert des choses inimaginables. Le système électrique était installé sous le plafond avec les câbles. Puis, quelqu'un est venu pour poser le système d'extinction automatique à eau et il l'a installé en dessous des câbles électriques qui étaient déjà en place. Or, le système d'extinction doit se trouver au-dessus des câbles électriques. C'est un exemple typique. Les gens ne travaillaient pas ensemble de manière coordonnée. Quand je suis arrivé et que j'ai vu ce qui fonctionnait, ou plutôt ce qui ne fonctionnait pas, que tout le savoir-faire des architectes était passé à la trappe, ça m'a franchement préoccupé. Je me suis demandé pourquoi je m'étais embarqué dans cette galère. Je n'aurais pas cru que ça se passerait comme ça. Pendant près de 10 ans, l'aéroport de Berlin en plus était un aéroport fantôme, une infrastructure gigantesque qui ne servait absolument à rien. Mais le problème, c'est que même lorsque les choses ne servent à rien, eh bien elles peuvent s'user. C'est la raison pour laquelle il fallait malgré tout utiliser cet aéroport. Des personnes étaient donc payées pour faire tourner les robinets, activer les chasses d'eau et même conduire des trains vides entre les terminaux. D'ailleurs, les terminaux, parlons-en, lorsque l'aéroport a fini par ouvrir le 31 octobre 2020, c'est seulement un terminal sur 5 qui a été inauguré. Quand vous êtes sur l'autoroute pour rejoindre ce nouvel aéroport, vous voyez terminal 1, terminal 2, jusqu'à terminal 5. En fait, il n'y a que le terminal 1 qui a été ouvert à l'automne dernier. Le terminal 2 est à peu près construit, mais on ne sait pas quand il va ouvrir. Les terminaux 3 et 4 ne sont toujours pas construits. Quant au terminal 5, c'est l'ancien aéroport de Schönefeld, de l'autre côté des pistes du nouvel aéroport, qui lui, d'ailleurs, a été fermé la semaine dernière faute de passagers à cause du trafic aérien réduit à minimum en raison du virus. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Alors évidemment, cette inauguration, elle fait figure d'apothéose. L'inauguration ne pouvait pas plus mal tomber le 31 octobre 2020 en pleine crise du Covid. C'était il y a quelques mois et déjà, ce jeune aéroport, puisqu'il venait d'être terminé, était bien vieux. Elle intervient au pire moment et effectivement, il y a une sorte d'ironie de l'histoire. Cet aéroport qui avait été conçu à une époque où on anticipait une forte croissance du trafic aérien a ouvert au moment où tout s'est effondré. Donc effectivement, une sorte de dystopie, enfin de discordance des temps, si on peut dire. Mais également le fait que cet aéroport, c'était l'un des responsables du chantier que j'ai rencontré au moment de l'ouverture, qui me faisait la visite et qui me racontait ça, c'est que cet aéroport ouvert en 2020, mais conçu au début des années 2000, est déjà vieillot en fait au moment d'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui n'avaient pas été anticipées ou qui avaient été pensées avec les schémas d'il y a 15 ans. Je vous donne deux exemples. Il me faisait remarquer que les écrans indicateurs, quoi, pour les vols, pour tout ça, en fait, étaient d'une technologie aujourd'hui totalement dépassée, avec des polices de caractère beaucoup trop petits. On fait des choses beaucoup plus performantes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez frappant quand on se rend dans cet aéroport. Deuxième exemple, à l'époque, ils n'avaient pas prévu de prise et d'installation pour les téléphones portables et pour travailler. Maintenant, évidemment, ça paraît évident, tout le monde dans les aéroports est à la recherche d'une prise pour brancher son téléphone portable, et sans doute qu'avec le développement du télétravail vont se développer même dans les aéroports des sortes de bureaux, de postes de télétravail. Donc ils ont dû rajouter dans les derniers mois des lignes de prise électrique pour les téléphones, mais de façon pas du tout ergonomique, si vous voulez. Donc se trouve ouvert en 2020 un aéroport qui ne correspond plus au trafic aérien d'aujourd'hui et plus aux normes des grands aéroports internationaux d'aujourd'hui. Mais alors, quel est l'impact de ce fiasco sur la réputation de l'Allemagne en matière d'efficacité industrielle? Est-ce qu'il viendrait ternir le prestige de la Deutsche Qualität? La réponse du journaliste au Monde, Thomas Wieder. Il est d'autant plus pris avec une certaine gravité et avec sérieux que Berlin est la capitale, donc le symbole est fort, mais aussi que ça n'est pas le seul grand chantier en fait allemand qui a connu ces dernières années des déboires. Alors ils sont de différents types, mais il y a deux autres exemples. Il y a l'exemple de l'Elbe Philharmonie, cette superbe salle de concert à Hambourg, qui elle aussi a été inaugurée avec retard, mais surtout avec des coûts qui ont dépassé de je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros les coûts prévus. Et puis l'autre chantier, c'est le chantier de la gare de Stuttgart, qui lui aussi connaît des déboires assez comparables à ceux de l'aéroport de Berlin. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ça donne lieu à des réflexions sur, voilà, est-ce que ce modèle allemand, cette industrie allemande est elle aussi performante qu'on le dit? Mais dans tous les cas, dans les analyses et dans les expertises qui sont faites, c'est moins le déficit de compétences des industriels et des fabricants que cette question de la gouvernance sur laquelle j'insistais tout à l'heure. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est peut-être effectivement quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément depuis la France, mais l'Allemagne est un pays extrêmement bureaucratique, mais même pour les tâches de la vie quotidienne. Hein. Parfois, on se plaint des lenteurs de l'administration française. Ça arrive parfois. Moi qui vis à Berlin, je peux vous dire que ça fonctionne pas beaucoup mieux, voire plus mal à Berlin qu'à Paris, hein, pour les tâches administratives quotidiennes. Et donc, ce thème de la bureaucratie, de la bureaucratisation de l'Allemagne, est un thème récurrent et en politique, dans les campagnes électorales. Et je fais mon pari, on le voit déjà, que dans la campagne qui s'annonce pour la succession d'Angela Merkel à l'automne prochain, ça va être un thème de campagne. En tous les cas, son parti, la CDU, est en train d'en faire un thème central. La morale de ce Superfail consacré au pire aéroport du monde est la suivante. Toutes les cultures industrielles, y compris l'Allemagne, bien sûr, doivent intégrer en leur sein une culture de l'échec. Superfell a été dévasté à la production par Juliette Devaux, piétiné à la réalisation par Louise Loubrieux et Vivien Demeyer, et gâché à la technique par Stéphane Poitevin. Superfell.